Bonjour à tous, c'est Aurélien. On se retrouve pour les coups de cœur d'Aurélien, le lundi, 8h-13h30, sur Radio Gamozo. Mon coup de cœur de cette semaine, c'est 3 nuits par semaine d'Indochine. Vous devez sûrement connaître la musique. Elle a fait un succès, elle a eu un très grand succès, tout le monde la connaît ou presque. Donc elle est sortie en 1985, et c'est de la New Wave. New Wave. Donc c'est un terme musical désignant new, c'est ça? New Wave. New Wave. C'est de la New Wave. C'est un terme musical désignant plusieurs styles de musique pop rock. Ce style est apparu dans les années 1970-1980. Donc j'ai choisi cette musique cette semaine car de base déjà j'aime beaucoup Indochine, c'est un super groupe que je vous conseille si vous n'écoutez pas. Et 3 nuits par semaine, c'est un tube que j'ai vraiment bien aimé quand je l'ai découvert il y a un an. Je sais pas, il y avait un rythme entraînant, on a envie de l'écouter, on a envie de danser, voilà. Donc je vous la conseille très très fortement, voilà. Bon bah, je vais vous passer la musique pour que vous vous rendiez compte de la beauté de cette musique, voilà. Bon bah, à la semaine prochaine, au revoir. Mes 3 nuits par semaine, c'est sa peau contre ma peau et je suis avec elle. Et 3 nuits par semaine, mes